belles histoires qui sont riches et pleines d'espoir. On s'imagine des aventures, des cascades, des poursuites en voiture, attaquées par les géants, l'air féroce et menaçant. Le héros embrasse sa belle, elle l'emmène au septième ciel. Le cow-boy solitaire dégaine son flingue en un éclair. Le flic intraitable poursuit les méchants notables. Perdu dans la galaxie, le vaisseau s'enfonce dans l'espace infini. Le héros est toujours là, il emmène sa belle au Nirvana. Qui sont riches et pleines d'espoir. On imagine des aventures, des cascades, des poursuites en voiture, attaquées par les géants, l'air féroce et menaçant. Le héros embrasse sa belle, elle l'emmène au septième ciel.